Ils disent, suite au message qui a été propagé en ton nom, dans lequel tu as mentionné le frère Tchelabi, il y a eu des polémiques sur le net et dans les réseaux sociaux. Donc peux-tu nous donner plus d'explications sur cette affaire? Barakallahu fik. Tfaddal Suleiman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. En effet, il m'est parvenu que suite au message qui a été propagé en mon nom dans les réseaux sociaux, dans lequel j'ai voulu expliquer aux gens que je n'étais pas responsable et que je n'avais aucune relation avec ce qui était propagé par le site ou la publication, car je n'ai plus de relation avec celui qui gère le site. Et également, donc, j'ai voulu préciser que ce qui était arrivé lorsque certains prédicateurs ont été enlevés de ce site, lorsqu'ils ont été enlevés du site, de la radio du site, et que leurs cours n'étaient plus diffusés, que je n'avais aucune responsabilité là-dedans. Mais au contraire, j'étais contre le fait que ces prédicateurs soient retirés du site, de la radio du site, car je savais que les gens n'allaient pas comprendre ce qui se passe et que ça allait créer une fitna. Et j'ai précisé par contre, j'ai mis une exception concernant le frère Tchelabi. Car, en effet, le frère Tchelabi, c'est moi qui ai demandé au frère du site, au frère responsable, à l'administrateur du site sous la publication, de ne plus diffuser ses cours. Et j'ai dit dans ce message que j'allais évoquer prochainement les raisons de cette parole et de cette demande, que ces cours ne soient plus diffusés. Et les gens donc ont commencé à parler à droite, à gauche, etc. Mais il est qui pour me mettre en garde, etc., etc. Ces gens-là, ils cherchent la notoriété, ils veulent se faire connaître. Et également, ils ont dit pourquoi il n'a pas cité directement les choses. Tout d'abord, avant de répondre à la question, et avant d'expliquer, donc les détails de cela, j'aimerais dire que ceux qui disent que ce sont toujours les mêmes qui parlent, déjà ça c'est un point déjà. Il y en a qui disent ouais, mais c'est tout le temps les mêmes. Oui, c'est tout. C'est encore lui et tout. Il est encore en train de mettre en garde. C'est tout le temps les mêmes qui parlent. Je leur dis tout d'abord, vous pouvez dire ce sont tout le temps les mêmes qui parlent. Et moi, je peux dire également, ce sont tout le temps les mêmes qui ne parlent pas. S'il y avait d'autres personnes qui expliquent aux gens la vérité, qui démontrent aux gens la vérité, et qui les mettent en garde contre le faux, ce ne serait pas tout le temps les mêmes qui seraient obligés de parler. Mais comme les gens ont peur d'être taxés, d'être durs, d'être fatten, etc., etc., parmi tous les sobriquets qui sont lancés à chaque fois qu'on vient parler, donc c'est pour cela qu'ils ne veulent que à chaque fois, c'est le même qui est obligé de parler. Lil Asaf, malheureusement. Donc je disais que voilà, yani que yani également nous disons ce, yani vous dites ce sont tout le temps les mêmes qui parlent, ben on dit ça ce sont tout le temps les mêmes qui ne parlent pas. Et si chacun nam poserait sa pierre à l'édifice pour montrer la vérité et dénoncer le faux, alhamdoulillah, les gens comprendraient encore mieux, comprendraient mieux nam la voix des salafs. Les gens comprendraient mieux la voix des salafs. Et ils sauraient que la mise en garde fait partie de la voix des salafs. La mise en garde contre le faux et contre les gens du faux fait partie de la voix des salafs. Et wallahi, et Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de ce que nous disons. Wallahi que nous ne parlons pas parce qu'on a envie de parler, parce qu'on aime parler. On ne parle pas sur les gens parce qu'on aime parler sur les gens. Et ceux qui me connaissent réellement, ils savent qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un qui parle sur les gens. Et je n'ai jamais été quelqu'un qui parle sur les gens. Avant l'islam et après l'islam. Mais il y a ce qu'on appelle une obligation dans la religion. L'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Une obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et fait partie de cela le fait de mettre en garde contre les gens du faux. Et également parmi les choses que l'on entend par rapport à cela, c'est qu'ils disent que ces gens-là veulent faire tomber les prêcheurs pour s'élever eux-mêmes. Quand je vois tout ce qui se passe, et quand on me rapporte tout ce qui se passe sur le net et ailleurs, et tout ce qui se dit sur moi, je ne pense pas que, en mettant en garde, ça m'élève. Au contraire, il y a de plus en plus de gens qui nous détestent, et qui nous critiquent, et qui nous rabaissent, et qui font tout ce qu'ils font. Je ne comprends pas cette parole. Et également, ils nous disent, ces gens-là, ce ne sont pas des savants pour qu'ils mettent en garde contre les gens. Ces gens-là, ils nous disent, ces gens-là, ce ne sont pas des savants pour mettre en garde contre les gens. Nous disons que ceci n'a aucune origine dans le kitab, wa sunna, wa manhaj salaf. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wal mu'minuna wal mu'minat, ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر الآية ويقول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فالله سبحانه وتعالى nous dit et les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils ordonnent le bien et ils interdisent le mal. Et dans l'autre verset, dans la traduction rapprochée du sens, il nous dit: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes. Vous ordonnez le bien, vous interdisez le mal, et vous croyez en Allah. Et vous croyez en Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadih, fa in lam yastati' fa bilisanih, fa in lam yastati' fa biqalbih, wa dhalika ad'afu al-iman. Rawahu Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque parmi vous voit quelque chose de blâmable, qu'il le corrige par la main. S'il ne peut pas, qu'il le corrige par la langue. Et s'il ne peut pas, qu'il le corrige par le cœur. Et ceci est le degré le plus faible de la foi, rapporté par Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: man, yani quiconque, man nakira fi siyaq al-shart fata'um, c'est-à-dire quiconque parmi vous voit quelque chose de répréhensible, qu'il le corrige par la main. S'il ne peut pas qu'il le corrige par la langue, et s'il ne peut pas qu'il le corrige par le cœur, et ceci est le degré le plus faible de la foi. Celui qui sait, qui a la connaissance qu'une chose est mal, qu'une personne appelle au mal, et qu'il a la connaissance requise pour pouvoir réprimander ce mal, il doit le réprimander, il doit le corriger. Quiconque, à partir du moment où tu as la connaissance sur cette question-là, tu dois mettre en garde contre ce mal et contre les gens qui font ce mal ou qui appellent à ce mal. Et les savants ont juste émis une condition par rapport à celui qui corrige par la main. C'est qu'ils disent que tu ne corriges par la main que sur les personnes qui sont sous ton autorité. Donc le gouverneur a l'autorité sur les gens de son peuple, donc il peut corriger les gens de son peuple par la main, par la force. Et le maire d'une ville, il a l'autorité sur les gens qui sont dans sa ville, sur les habitants de la ville. Donc il peut corriger le mal qui est fait par les gens de sa ville par la force. Et l'homme, il a l'autorité sur les gens de sa famille, sa femme et ses enfants. Donc il peut corriger par la main. Les gens qui sont sous son autorité. Quant à la correction du mal par la langue, ceci c'est pour toute personne qui a la connaissance que ceci est un mal. Et je vais juste vous donner un exemple, parce que cette parole a commencé à être trop propagée par des gens qui ne connaissent rien à la science. Si tu connais quelqu'un dans ton quartier qui est un trafiquant de drogue et qui prend les jeunes adolescents, il les prend et il les fait travailler pour lui pour vendre de la drogue, est-ce que tu as le droit de mettre en garde contre ce trafiquant de drogue, ou bien tu dois dire non, je vais aller demander à un alim jusqu'à ce que le alim lui mette en garde contre ce trafiquant de drogue? Taïb, vous allez dire ouais, mais ça c'est marlouf, ça c'est connu. Taïb, tu vois quelqu'un, un imam, qui fait la khutba dans ton quartier, qui est un grand soufi, et qui dit aux gens qu'Allah est partout, et qui dit aux gens, vous pouvez faire des invocations aux saints, aux walis, vous pouvez visiter les mausolées et les tombeaux. Toi, tu as la connaissance que ceci est un mal. Et que ce à quoi appelle cet imam est un égarement évident, et que c'est de la mécréance. Et que celui qui va tomber là-dedans va tomber dans de la mécréance. Donc toi maintenant, est-ce que tu as le droit de te taire et de laisser les gens écouter cet imam et ce khatib? Ou bien tu vas dire aux gens, n'écoutez pas ce qu'il dit est faux. Ah oui, un autre exemple, Afwan. Tu connais quelqu'un, il appelle les gens au khourouj avec Jama'at al-Tablir. Il appelle les gens à rentrer dans la secte des frères musulmans, el-Ikhwan al-Muslimin, les traîtres des musulmans. Ou il appelle les gens au takfir. Il appelle les gens à aller en Afghanistan. Il appelle les gens à aller en Irak. Il appelle les gens à Daesh, le prétendu état islamique en Irak et au Cham. Il appelle les gens à cela. Tu vas dire, ah non, moi je ne dis rien, ça, je ne parle pas. Je laisse les gens se faire embobiner par cette personne jusqu'à ce qu'il ait une parole de savant. Cette ambiguïté qui est propagée comme quoi que pour toute personne, dans toutes les situations, il faut absolument la parole d'un savant pour mettre en garde contre une personne. Ceci est totalement faux. Si la question est une question pointilleuse, dans laquelle il y a besoin de revenir aux gens de science, là, à ce moment-là, tu as le droit de dire cela. Là, à ce moment-là, tu as le droit de dire cela. Mais si l'égarement est clair et connu par tout musulman ou par tout salafi, et que cet égarement est en train de se propager à la vitesse de l'éclair, tu n'as pas le droit de te taire et dire je vais attendre jusqu'à ce qu'un savant parle sur lui. Ou alors, Masakin, les ulama, on va les occuper avec toutes les personnes qu'il y a sur terre. Du plus petit au plus grand. Et là, je peux vous dire que les téléphones des savants ne vont pas arrêter de sonner. Allah musta'an. Enfin, ceci était un petit éclaircissement. Ceci était un petit éclaircissement par rapport donc à certaines ambiguïtés qu'il y a par rapport à cela. Maintenant, pour répondre à la question concernant le frère Chalabi. Certes, ce frère, c'est une personne qui est plus âgée que nous. De là, il y a une manière de parler avec lui. Il y a un minimum de respect à avoir. Mais il ne faut pas oublier que la vérité mérite plus qu'on la respecte. Ceci est un point. La deuxième des choses, c'est que le frère Chalabi a été conseillé sur pas mal de ses erreurs par pas mal de personnes. Et parmi les personnes qui l'ont conseillé, le frère Ismaïl Abou Anas, qu'il faut dire la vérité, il s'est efforcé de conseiller le frère Chalabi avec une bonne manière. Et j'ai écouté l'audio. La première fois qu'il a conseillé Chalabi en privé, il m'a fait écouter la conversation et il lui a parlé avec énormément de respect. Et il l'appelait Shir. Et il lui disait Ya Shir, oh Shir. Enfin, je disais que parmi les premiers frères qui l'ont conseillé, le frère Ismaïl Abou Anas, il a conseillé Chalabi, comme je disais, et il lui parlait avec énormément de respect. Et il l'appelait Oh Shir, tu ne peux pas dire cela, tu ne peux pas. Donner ce genre de parole aux frères de France, etc., etc. Et tu dois rectifier les erreurs que tu as. Mais le frère Chalabi n'a rien fait, ou presque rien fait. Et il a continué à faire des erreurs, et erreurs sur erreurs, erreurs sur erreurs. Puis il nous a insulté, il nous a critiqué, etc. Et surtout le frère Ismaïl. Donc il l'a critiqué, il l'a insulté, etc. Il l'a menacé de vous allez voir quand je vais venir à Médine. Je vais vous asseoir auprès des machères. Je vais venir avec les machères del Jazair. Je vais venir avec les chouurs d'Algérie. Et je vais vous asseoir auprès des chouurs de Médine. Et vous allez voir qu'est-ce que je vais vous faire, etc., etc. En disant que oui, on se cache derrière les chouurs, etc. Et que donc il voulait nous asseoir devant les machères, et donc nous mettre au pied du mur. Enfin, lorsqu'il est venu à Médine, déjà on n'a pas su qu'il était venu jusqu'à ce que certaines personnes nous ont prévenu, mais lui il nous a pas prévenu de son arrivée, mais on l'a su par d'autres personnes. Puis le frère Ismaïl, c'est lui qui s'est mis à chercher après Chalabi, et un jour après le dars de Cheikh Rabi' à Masjid al-Redouan, Ismaïl a vu Cheikh Lazhar. Et il lui a demandé, il a dit « Salam alaikum, kif halek ?» Il est où Chalabi ? Cheikh Lazhar lui a dit, il est là-bas, regarde, il est là-bas au loin, c'est tout, va le voir et explique-toi avec lui. Va le voir et explique-toi avec lui. Pas le frère Ismaël, il est parti voir Tchalabi. Puis il l'a invité chez lui pour lui parler et lui faire part, lui faire écouter les erreurs qu'il a remarquées dans ses cours. Et également pour le conseiller. Et durant cette assise, selon ce que le frère Ismaïl m'a rapporté, le frère Tchalabi polémiquait dans le vent. Et il disait des choses sans queue ni tête. Et il persistait à se défendre sans preuve. Ceci est une première chose. La deuxième des choses, il était quand nous l'avons rencontré, le frère Tchalabi était avec un autre frère algérien, et je leur ai donné mon numéro. Je leur ai dit, appelez-moi demain, parce que là aujourd'hui je suis occupé, appelez-moi demain pour qu'on aille voir Cheikh Mohamed bin Hadi ensemble. Mais je n'ai reçu aucun coup de téléphone. Puis, le surlendemain, donc, le frère Tchalabi devait partir à la Mecque. Une fois arrivé à la Mecque, il s'est passé ce qui vous a été rapporté dans le témoignage du frère Ja'far, qui est un étudiant à Umul Qura, dans lequel, donc, le frère Ja'far nous dit que Tchalabi, en gros, que Tchalabi donc cherchait, lui a demandé de parler à Cheikh Ahmed Bazmoul pour que Cheikh Ahmed Bazmoul puisse faire les éloges de Tchalabi. Et de là on comprend la parole qui a été propagée sur le net ou dans les réseaux sociaux, je ne sais plus. Comme quoi que Cheikh Ahmed Bazmoul et ça faisait donc l'éloge du frère Tchalabi en disant qu'il est à la sunna. Puis, une fois que nous avons donc parlé à Cheikh Ahmed Bazmoul, nous avons fait savoir à Cheikh Ahmed Bazmoul ce qui s'était passé et certaines choses que nous avions sur Tchalabi. Donc, le Cheikh a compris que le frère Tchalabi, il y avait des choses qui n'étaient pas claires le concernant. Al-Muhim, ici il y a une question qui se pose. Pourquoi le frère Tchalabi cherchait après des tazkiyas de chouyours en Arabie Saoudite alors qu'ils ne le connaissent pas? Comment tu vas aller demander à des gens qui ne te connaissent pas de te faire une tazkiya? Ou pourquoi tu vas chercher à ce que ces gens-là te fassent une tazkiya? Et pourquoi spécialement Cheikh Ahmed Bazmoul, que le frère Tchalabi a qualifié d'être celui qui dit celui-là est moubtadir et celui-là n'est pas moubtadir, celui-là est innovateur et celui-là n'est pas innovateur? C'est la description de Tchalabi sur Cheikh Ahmed Bazmoul. Ceci est étrange. Une autre question. Si réellement le frère Tchalabi avait autant de science que cela, alors pourquoi on ne voit pas de grands efforts de Tchalabi dans la da'wa aux gens de son pays, en Algérie? Sa réputation, elle est en France et elle n'est pas en Algérie. Les tazkiyat qu'il y a eu de certains chouyours d'Algérie, Yani, c'est à se demander comment Chalabi a fait pour se les procurer. Al-Muhim. Concernant les erreurs de Chalabi. Wallahi. Yani, je n'ai écouté ou je n'ai entendu que quelques audios, que quelques passages. Je n'ai pas écouté de cours entier de Chalabi. Naam. Yani, je n'ai écouté que quelques passages, donc de Chalabi, du frère Chalabi. Et yani, sincèrement, yani, j'ai été étonné yani, de ce que j'ai entendu dans le peu de choses que j'ai entendu. Parmi les choses qu'il y a dans le peu d'audio que j'ai entendu, il y a une fatwa que le frère Chalabi a faite lorsqu'il a été questionné comment nous répliquons à ceux qui disent qu'Allah est partout par bidatihi, en lui-même, en son essence. Et est-il permis de prier derrière ces gens-là? Et le frère Chalabi a répondu, quand il y a un imam, une mosquée qui n'est pas assez loin, de préférence, tu pries derrière quelqu'un qui dit Allah Ta'ala est au-dessus de son trône et qui dit pas il est partout. Mais si tu n'as pas de mosquée, sauf celle-là, tu fais la prière derrière lui parce qu'il est muta'awil. Muta'awil, ça veut dire, il a lu des livres comme ça, il a entendu des gens parler, et il croit qu'il est dans le vrai, etc. Hein, jusqu'à la fin de la fatwa de Chalabi. Ceci est sa parole, textuellement, c'est ce qu'il a dit. Donc il dit, si tu n'as pas de mosquée sauf celle-là, tu fais la prière derrière lui, parce qu'il est muta'awil. Et il y a une fatwa de Lejna Da'ima, dans Majmou' Fatawa Lejna Da'ima. Et qadar Allah, là je ne l'ai pas sous les yeux, mais inshallah yani, je vous la prépare parvenir pour que vous voyez quelle est la fatwa de Lajna Da'ima, de l'assemblée du comité des grands savants d'Arabie Saoudite, qui contredit totalement la fatwa de Chalabi. Car la fatwa de Lajna Da'ima sous la présidence de Cheikh Abdelaziz Ben Baz rahimahullah, elle dit clairement qu'il n'est pas permis de prier derrière quelqu'un qui dit qu'Allah est partout. Car cette personne-là est un mécréant. Ça, c'est un exemple. Pour vous dire que le frère Chalabi, il fait des fatwas dans ce qui n'est pas de son domaine. Et ce n'est pas étonnant. En faisant 2 heures de fatwas par cours, en faisant 2 heures de fatwas par jour, ou 1h30, enfin, je dis par jour, il y en a par cours, je veux dire. Naam. Et en répondant à toutes les questions, dans tous les domaines, des questions dans la aqida, des questions dans le fiqh, des questions dans le siyasa, dans la politique, des questions dans le menhej, des questions de divorce. Donc, en faisant des fatwas, je disais, dans la croyance, dans le fiqh, dans la politique, dans le divorce, etc., etc., dans tous les types, dans tous les domaines. Yani, mashallah. Yani, si fi'lan, il a autant de science que cela, donc en faisant des fatwas dans tous les domaines, yani, c'est sûr que quoi, qu'il va tomber dans de grosses erreurs. Car je ne pense pas que le frère Chalabi a le niveau de pouvoir faire des fatwas dans tous les domaines dans lesquels il fait des fatwas. Et vous allez en voir d'autres exemples de cela. Donc ça, c'est un exemple déjà. Il fait une fatwa à des gens qu'ils ont le droit de prier derrière quelqu'un qui dit qu'Allah est partout s'ils n'ont pas d'autre mosquée autre que celle-là. Alors que les grands savants comme Cheikh Abdelaziz Ben Baz rahimahullah et le comité des grands savants, ils disent que tu n'as pas le droit de prier derrière cette personne-là car c'est un mécréant. Également, parmi les choses qu'on peut citer, yani, ce qu'on a vu, et subhanallah, c'est une honte, un égaré comme Abdel Hay qui vient et qui reprend Chalabi, qui traduit As-Saq, lorsqu'il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il l'attribue à Allah As-Saq, il traduit As-Saq, qui est la jambe, il le traduit par quoi? Par le tibia. Une autre parole grave dans la croyance, qui a trait à la croyance. Car les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, la règle, عند أهل السنة والجماعة, chez les gens de la sunna et de la jama'a, c'est que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, asma'ullahi wa sifatuhu tawqifiyya, c'est-à-dire il faut absolument avoir un texte là-dessus. Le tibia en arabe, c'est ce qu'on appelle al-dhumboub, et ce n'est pas al-saq. Al-saq, c'est la jambe. Quant au tibia, c'est al-dhumboub. Donc que vont dire les ulama lorsque on va leur rapporter cela? Que tu attribues à Allah subhanahu wa ta'ala un tibia. Également, parmi les choses qu'il y a dans les audios que nous avons écoutés, lorsque le frère Chalabi, en parlant donc, il parle de Menhej, il nous dit qu'il ne faut pas se précipiter, lorsqu'il y a une mise en garde d'un savant, qu'il ne faut pas se précipiter à la propager. Il dit, ça ne veut pas dire, pour les critiques des savants, c'est bien de savoir qui ils ont critiqué pour savoir comment se comporter envers cela, mais ça ne veut pas dire que dès que j'entends une chose, je m'envole pour la propager partout. Mais je dois au contraire dire qaddara Allah wa ma sha'a fa'al. On ne doit pas être content qu'on fasse tomber quelqu'un, mais je dois ressentir de la peine. Il ne faut pas se précipiter. Naam. Ensuite, il cite le hadith. Naam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait les éloges d'un compagnon en lui disant naam, que tu es quelqu'un qui ne te précipite pas. Comment ça s'appelle? Donc je disais, voilà, il ne faut pas se précipiter. Donc il cite le hadith donc, du compagnon. Puis ensuite il dit, il ne faut pas se précipiter, sauf quand la mise en garde, ça fait longtemps qu'elle s'est propagée, et tout le monde a pu vérifier que vraiment le savant l'a dite, dans un état par exemple, pas de colère. Pas quand quelqu'un il est en colère, il dit, il ne faut pas écouter cette personne. Mais après avoir bien lu que la personne a dite, etc., etc. Donc ceci est la parole du frère Chalabi. Il nous dit que tu ne te précipites pas à propager la parole du savant, sauf quand ça fait longtemps que la parole s'est propagée. Et que tout le monde, on va demander à tous les musulmans de vérifier que vraiment le savant l'a dite. Une fois que tout le monde a dit c'est bon, le savant il l'a vraiment dite, alors à ce moment-là, on accepte la mise en garde et on peut la propager. Donc ça c'est la parole de Chalabi. Il dit qu'il ne faut pas donc propager une mise en garde, sauf quand ça fait longtemps qu'elle a eu lieu et qu'elle a été propagée et que tout le monde a pu vérifier que le savant a vraiment dit cette parole et qu'il ne l'a pas dit dans un état de colère. Pour que tout le monde sache aussi, faut qu'on tous là on s'assure que le savant n'a pas dit cette parole en état de colère. Enfin, on demande à monsieur Astaghfirullah. On demande au frère Chalabi, quel savant a émis cette règle dans le Menhej, que pour propager une mise en garde, il faut que ça fasse longtemps. Donc déjà, c'est quoi ce longtemps? C'est combien de temps? Et qu'il faut que quoi? Que tout le monde ait vérifié que la parole, que le savant l'a dite, et que tout le monde doit vérifier que le savant ne l'a pas dite en état de colère. Ce sont trois choses qu'il y a dans cette règle que nous demandons au frère Chalabi de nous rapporter, quel savant a émis cette règle. Et cela, en fait, le frère Chalabi, il l'a cité pourquoi? Il l'a cité lorsqu'il a été questionné sur Abdelaziz al-Rayis et Abdelmalik Ramadani et d'autres. Hein? Il a parlé de cela lorsqu'il a été questionné sur ces deux personnes. Et donc, pour légitimer sa position ambiguë vis-à-vis de ces gens-là, il a cité cette règle-là. Et il dit par exemple, concernant Abdelmalik Ramadani, il dit: c'est pour ça que je vous demande de ne pas vous précipiter. Hein, après avoir dit une longue parole, etc., comme quoi que Cheikh Obeid, même s'il a mis en garde contre lui, il a dit qu'on peut profiter de ses livres, etc. Ensuite il dit: c'est pour ça que je vous demande de ne pas vous précipiter. Celui qui veut ne plus l'écouter, je vous dis tel qu'il le prononce, hein. Celui qui veut ne plus l'écouter, je l'écoute plus. Celui qui veut mettre en garde contre lui, il dit moi je mets en garde contre lui parce qu'on a mis en garde contre lui, qu'il le fasse, il est libre aussi. Celui qui veut l'écouter, il est libre. Donc, on a une mise en garde de Cheikh Obeid al-Jabiri et les savants d'une manière générale ont mis en garde contre Abdelmalik Ramadani. Et les savants d'une manière générale ont mis en garde contre Abdelmalik Ramadani. Et donc, yani, le frère Chalabi dit à ses suiveurs et à ceux qui l'écoutent et à ses auditeurs, il leur dit: celui qui veut mettre en garde contre lui, il peut le faire, et celui qui veut l'écouter, il est libre, lui aussi il peut le faire. Enfin, est-ce que Chalabi connaît mieux le cas de Abdelmalik Ramadani que les chouyours qui ont mis en garde contre lui? Également, sa position par rapport à Al-Mahraoui. La position du frère Chalabi par rapport à Al-Mahraoui. Lorsqu'il dit: Al-Mahraoui, je ne connais rien sur cette personne, je n'ai pas encore quelque chose de solide pour dire que c'est un takfiri. J'ai lu des choses qui ont été écrites par des toulab ilm, mais c'est pas convaincant. Moi, je veux voir les paroles des grands savants. Cette parole, il l'a dite. Cette parole, le frère Chalabi l'a dite en 2009. Naam. Donc cette parole, il l'a dite en 2009. Alors qu'Al-Mahraoui, son cas a été dévoilé, si je ne me trompe pas, en 2001. Et il y a eu des cassettes de savants comprenant toutes les paroles. Il y a des cassettes qui ont réuni. Je disais que Al-Mahraoui, il y a eu deux cassettes qui ont été propagées, si je ne me trompe pas, en 2001, dans lesquelles il y avait les paroles de tous les savants sur Mohamed Al-Mahraoui. Il y avait les paroles de Cheikh Rabi', de Cheikh Al-Najmi, si je ne me trompe pas, de Cheikh Zayd, hein, même Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, de Cheikh Ibn Uthaymin, et même Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, il y avait également Cheikh Al-Fawzan, il y avait également, même Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad, il y avait une parole de Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad sur une parole de Al-Mahraoui. Même si Cheikh Abdel Mohsen Al-Abbad ne veut pas dire que le Mahraoui est un moubtadir, est un innovateur, mais il a été questionné sur des paroles de le Mahraoui et il a dit clairement que ce sont des paroles de takfir. Et beaucoup de chouyours, énormément de savants ont dit que El Mahraoui était un innovateur et un takfiri. Et ceci, comme je vous dis, ça date de 2001. Et Chalabi nous dit en 2009 qu'il n'a pas encore quelque chose de solide pour dire que c'est un takfiri. Al-Muhim. Également, là on arrive à des choses encore plus graves. Le frère Chalabi, il veut faire des awam, des ulama. Il veut faire des awam, Il veut rendre les awam comme si c'était des ulama. Pourquoi? Il parle donc de la division mujtahid, muqallid, muttabi'. Puis ensuite il dit: tu vas chez les ulama et tu demandes le dalil. Il veut expliquer en fait que tu ne dois pas être un muqallid, tu ne dois pas suivre aveuglément les fatwas des savants. D'accord? Donc il dit, tu vas chez les ulama, tu vas chez les savants, et tu demandes le dalil. Il te dit donc, tu lui dis, s'il vous plaît monsieur le alim, est-ce que je peux faire ceci ou cela? S'il te dit oui, non, c'est pas terminé. Pardon, quel est le dalil? Pourquoi vous avez dit oui? Pourquoi vous avez dit non? Vous vous êtes basé sur quoi? Donnez-moi le dalil. S'il dit Allah a dit, son prophète a dit, na'am. S'il dit c'est moi qui a dit de ma tête, tu dis smahli, excuse-moi. Tu dis smahli, je vais demander à ma grand-mère aussi, est-ce qu'elle peut me dire de sa tête? Moi je suis venu chez toi à cause du dalil. C'est pas pour que tu me dises de ta tête. Hada, ça, c'est comment le frère Chalabi éduque ses auditeurs et les jeunes qui le suivent. Il les éduque que lorsqu'ils vont demander une fatwa à un alim, qui lui demande le dalil, et presque ça, il va leur dire, tu n'as qu'à chez l'alim. Presque il va dire, tu débats avec le savant. Et si jamais il ne te cite pas le dalil, il te dit, dis-lui, moi je vais demander aussi à ma grand-mère. Ça, c'est un comportement à voir avec les savants, ça? Est-ce que c'est un comportement à voir avec les savants, ça? Et quel alim qui va te dire, et ça j'ai dit ça de ma tête? Quel alim salafi sunni va te dire j'ai dit ça de ma tête? Même des savants mubtadi'at, beaucoup d'entre eux ne vont jamais te dire ça. Kef bi alim sunni? Que dire ça donc d'un savant de la sunna? Hada, c'est un point sur lequel j'ai voulu montrer. Également, à un moment, il est questionné, il cite. Il cite une fatwa de Cheikh Al-Utsaimin. Bon, je n'ai pas écouté le moment où il cite la fatwa, mais apparemment il dit que comme quoi que donc Cheikh Ibn Utsaimin donc a été questionné donc sur le soutien-gorge, et comme quoi que donc Cheikh Al-Utsaimin aurait dit donc que c'est haram. Ensuite donc Chalabi il dit, je viens de dire que Cheikh Ibn Utsaimin a dit qu'il n'était pas permis de le mettre. Et j'ai dit que c'est une fatwa assez bizarre. Pourquoi? Tout en étant un grand alim, bien sûr, mais il n'a pas donné le dalil. Il a dit le dalil, c'est la duperie. On dupe les gens. Mais je ne connais pas un autre alim qui a dit que ce vêtement est haram. Ensuite, Chalabi continue, il dit, quand on est salafi, on aime tous les ulamas et on marche avec le dalil. On marche avec quiconque des ulamas donne un dalil, on le prend. Si un alim ne donne pas un dalil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est comme toutes les personnes quand il ne donne pas un dalil. Est-ce que ça, c'est un comportement avec les ulamas? Est-ce que ça, c'est une personne qui peut éduquer des jeunes sur la voie des salafs et sur le comportement du ilm et du talib al-ilm? Également, parmi les choses qu'il y a sur le frère Chalabi, et ça revient donc dans ses fatawas, et ça revient donc à ces fatwas, une fatwa dans laquelle il est questionné sur les élections présidentielles en Algérie, et il dit, je recommande à cette sœur de voter pour le président actuel qui s'appelle Abdelaziz Bouteflika. Nous disons, qui est le frère Chalabi pour faire une fatwa dans ce domaine? Qui lui a demandé de dire aux gens de voter pour un tel ou un tel? Qui lui a demandé de dire aux gens, Aslan, de voter? Lorsque cette parole a été rapportée à Cheikh Abdullah al-Bukhari, Cheikh Abdullah al-Bukhari a dit que cette personne-là est un ignorant et qu'il parle dans ce qui ne le concerne pas. Et qu'il parle dans ce qui ne le concerne pas. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Ali, concernant le frère Chalabi et ce qu'il y a dans ses audios et dans ses fatawas. Là, je n'ai cité qu'une partie de ce que j'ai. Il y a d'autres choses que nous avons. Et d'autres choses qui ont été posées aux ulama. Et ce que les ulama ont répondu. Cheikh Mohamed bin Hadi, Cheikh Rabi', Cheikh Abdullah al-Bukhari et d'autres parmi les machaïr ont été questionnés sur des paroles du frère Chalabi jusqu'à ce que Cheikh Rabi' a dit réfutez-le jusqu'à ce que Cheikh Rabi' a dit réfutez-le lorsque le frère Ismail a posé une question à Cheikh Rabi' sur une parole du frère Chalabi. Cheikh Rabi' lui a dit réfutez cette personne-là. Et était présent le fils de Cheikh Rabi', Cheikh Mohamed ibn Rabi', et était présent également le frère Arafat al-Muhammadi. Cheikh Arafat al-Muhammadi également était présent. Et certains savants même, certains machaïr, et pour l'instant je ne peux pas citer le nom, mais il y a un parmi les machaïr. Il y a un parmi les machères. Et ce chir, le chir qui a dit cette parole-là, la parole que je vais dire, c'est un chir derrière lequel Chalabi essaye de se cacher. Et ce chir nous a dit clairement, il a dit clairement au frère Ismaïl, il lui a dit, lorsque le frère Ismaïl lui a posé la question, il lui a dit, ou lui a parlé, il lui a dit que le frère Chalabi enseignait aux frères de France le livre Sharh Sunna del Barbahari. Ce chir-là lui a répondu au frère Ismaïl. Il lui a répondu, comment il leur enseigne ce livre-là? Je sais très bien qu'il n'est pas apte à enseigner ce livre-là et qu'il n'est pas, il a dit en arabe, الرجل غير متمكن في العقيدة. الرجل غير متمكن في العقيدة. Il a dit, cette personne-là ne maîtrise pas la aqida. Comment il enseigne ce livre-là? Comme je disais, wallahi, il y a beaucoup de choses à dire sur le frère Chalabi. Naam. Ça, c'est une petite partie. Ce que j'ai cité là, c'est une petite partie. Il y a encore beaucoup d'autres choses à dire. Ce que j'ai cité là, comme je disais, là, les choses que j'ai citées, là, c'est juste une petite partie. Et il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais là, c'est juste en réponse à cette petite question. Et Inch'Allah ta'ala, le moment venu, il y aura une explication détaillée avec beaucoup, la majorité des erreurs qu'il y a sur le frère Chalabi. Je disais donc qu'il y a encore beaucoup d'autres choses sur le frère Chalabi et ce ne sont pas des petites erreurs. Ce ne sont pas des petites erreurs. Et juste les exemples que j'ai donnés, vous donne un exemple. Donc le frère Chalabi, wallahi qu'on ne veut pas son mal. Ce qu'on veut, c'est que le frère Chalabi, déjà d'une, il se repente de ses erreurs. Qu'il revienne sur ses erreurs. Et qu'ils reviennent sincèrement. Qu'ils disent, j'ai dit cela, et ceci est faux. Naam. Et la vérité est telle et telle et telle chose. Wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Et je demande pardon à Allah. Et qu'il explique tout cela aux gens, publiquement, sur toutes ces erreurs, qui lui parviendront, inshallah ta'ala. Car le but ici n'est pas de faire. Al-Muhim, le but ici n'est pas de faire un listing de toutes ces erreurs, d'énumérer toutes ces erreurs et de. Naam, le but ici est de montrer quelles ont été les causes qui m'ont poussé à dire que quoi? À demander aux frères du site Sunna Publication de ne plus propager ses cours, de ne plus diffuser ses cours. Car en voyant tout cela, on voit bien que le frère Chalabi n'a pas un niveau élevé dans la science, et qu'il ignore beaucoup de points de Menhaj et qu'il a de grandes contradictions dans le Menhaj Salafi. Et je n'ai même pas parlé de ces traductions, mis à part quand j'ai cité l'histoire de la jambe d'Allah, As-Sakh, qu'il a traduit par Tibia. Mais si lorsqu'on écoute ses cours et lorsqu'on écoute ses fatwas, combien de fois on l'entend qui demande au frère Fawzi ou je ne sais pas qui c'est qui gère son salon, hein, il lui demande de lui réexpliquer la question parce qu'il n'a pas compris. Et combien de fois je l'ai entendu, hein, lorsqu'il était encore diffusé sur Sunna Publication, combien de fois je l'ai entendu répondre à des questions en faisant des hors-sujets. Lakin, je n'ai pas le temps d'aller rechercher dans quel audio il a été dire ceci ou cela. Pas, wallahi, comme je disais, nous, on ne veut que son bien, qu'il se repente de ses erreurs, qui sont des erreurs très graves. Et il n'y a pas de doute qu'avec cela, on ne peut pas dire aux jeunes d'écouter cette personne-là, car il doit d'abord lui-même se corriger, et lui-même déjà apprendre apprendre à maîtriser la aqida et le manhaj salafi. Et il doit améliorer son français, que ce soit dans la compréhension ou dans l'expression. Car il ne comprend pas très bien des fois ce qui lui est dit et ce qui lui est demandé. Et dans ses explications, des fois, il va tomber dans des erreurs qui va donner une mauvaise compréhension aux jeunes de la aqida. Comme dans l'Asma wa Sifat, il y a plusieurs termes qu'il a traduits qui vont semer la confusion, qui sèment la confusion dans l'esprit de ceux qui vont l'écouter. Et je suis sûr que si on interrogeait les gens qui suivent les dourous du frère Chalabi sur des questions de aqida qu'ils ont soi-disant étudié, je suis sûr qu'on va voir qu'ils n'ont pas compris l'aqida sahiha, qu'ils n'ont pas compris la croyance authentique comme il faut, dans beaucoup de points. Donc voilà les raisons pour lesquelles j'ai dit cela, et je ne veux pas m'attarder, et dernier, sur ce, je pense que on va s'arrêter, il est déjà tard, et je suis fatigué. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayhi.